Chapitre 3e. Biadjou Kanebaro alluma la lumière dans la cuisine. Il n'y avait pas encore suffisamment de jours pour qu'il puisse y voir clair. Quand il allait à la pêche, il partait toujours aux aurores pour revenir sur le coup de midi. Ce matin, il était un peu maussade, car il allait devoir y aller seul, ce qu'il redoutait un peu. Berthier, l'ingénieur béton de l'entreprise, venait habituellement avec lui, mais n'était pas libre ce matin. Kanepaho se préparait tout de même, car il ne revenait jamais sur une décision prise. Il avait projeté d'aller pêcher, il y allait. Tant pis, il ne s'éloignerait pas loin des côtes et compterait sur son portable au cas où. De plus, il avait besoin de cette sortie. Il lui fallait faire un break, aujourd'hui. La veille, Anzi et lui s'étaient disputés comme des chiffonniers à propos d'un commercial que lui, Kanepaho, voulait licencier. Ce gars n'était jamais là où il fallait, quand il fallait, et son rendement avoisinait le zéro. Anzi Louti avait des scrupules, car c'était le fils d'un ancien client et ami. Il comptait lui apprendre le métier, sûr que le jeune ferait des progrès. Finalement, Kanepaho avait lâché prise, comme toujours, la rage au cœur. Il était toujours redevable à Anzi de l'avoir recueilli, associé et même d'avoir partagé son épouse. Il était tenu par la reconnaissance du ventre. Mais jusqu'à quand cette dépendance allait-elle durer? Le ristretto avalé, il se prépara un casse-dalle au jambon avec une tomate coupée en rondelles et des cornichons. Puis il alla sortir sa voiture du garage. Le volet électrique fit peu à peu apparaître le mufle menaçant de l'engin, un 4x4 américain laqué noir, aux vitres tellement foncées qu'il était impossible de voir les passagers à l'intérieur. Une vraie bagnole de baron de la drogue ou d'agent du FBI. Il avait acheté sur un coup de tête, impressionné par le mystère et la puissance que l'engin dégageait. Cette bagnole lui valait l'antipathie de tous par le malaise qu'elle inspirait. Les motards l'arrêtaient souvent, rien que pour voir qui conduisait cet engin d'apocalypse. Dans les réunions de chantier, il lui préférait une bonne grande bourgeoise française, plus propre à inspirer confiance et sympathie. Il avait l'habitude de vivre seul, pourtant ce n'étaient pas les femmes qui lui avaient manqué. Mais la lune de miel érotique passée, il ne savait pas se montrer attentionné et affectueux. Toute femme devenait vite pour lui un meuble encombrant, bruyant et dispendieux. Dans le fond, il aimait la solitude, sauf quand il se livrait à des activités à risque, telles que la pêche en mer ou la chasse aux chamois en haute montagne. Là, il préférait avoir quelqu'un avec lui, mais c'était purement égoïste, par raison de sécurité. Il donna un coup de fil à Pronzati, son homme à tout faire, qui dormait encore dans son studio, au fond du jardin, pour le prévenir de son départ. Arrivé à Sausset, il était trop tôt pour qu'il croisât quelqu'un dans cette partie du port. Il franchit la passe à petite vitesse, puis se dirigea vers l'Aragnon pour essayer la dorade à la Palangrotte. Seul, il refusait de pêcher à la traîne, redoutant une collision ou une fausse manœuvre. Parvenu à l'endroit choisi, il commença à préparer minutieusement ses appâts. Il pêcha à la moule et au caillou. L'astuce consistait à attacher une moule ouverte à un caillou, l'hameçon dissimulé dans la chair du coquillage. On descendait l'ensemble au bout du fil et il suffisait de patienter. Il mouilla une deuxième ligne amorcée à lèche. Pendant que le fil trempait, il préparait deux ou trois appâts d'avance. Il n'avait fait que trois sarres et deux sobes, qu'il rejetait systématiquement à la mer, par crainte d'intoxication, quand, sur le coup de 10 heures du matin, un banc de dorades affamées passa enfin par là. Du coup, il n'oublia sa vague angoisse d'être seul. Encouragé par le résultat de sa pêche, il décida de rester l'après-midi et passa un coup de fil à Pronzati pour lui signifier qu'il avait quartier libre. Pronzati s'était levé royalement vers 9h30. Après tout, à son âge, avec la vie de chien qu'il avait menée, il avait bien le droit de s'octroyer un peu de bon temps, d'autant plus qu'il ne volait rien à personne. Il gardait la maison, donc il faisait son job. Il eut une visite extrêmement désagréable sur les 10 heures et flemmarda jusqu'à midi, attendant le retour de Kanepaho. Quand ce dernier le prévint de son absence, Pronzati alla faire quelques courses à Géant Casino et attendit. Vers les 5 heures de l'après-midi, son visiteur du matin revint sans s'attarder, et l'esprit plus tranquille, Pronzati entama sa soirée devant la télé. Il vit revenir son patron sur le coup des 19 heures, apparemment assez content de lui. Biagio avait profité du beau temps et de la mer calme pour nettoyer les poissons dans le bateau en compagnie d'une nuée de gabions affolés par le sang et l'odeur de la tripaille. Puis il était passé chez un agafaro pour lui laisser une quinzaine de dorades qui disparut aussitôt dans le congélateur. Anna était toujours déstabilisée par une visite impromptue de Caneparo. Elle aimait toujours cet homme qui, à près de 70 ans, avait encore un charme et une souplesse de mouvement qui le rendait encore très attirant. Arrivé chez lui, Caneparo fut intrigué par la mine longue et triste de son homme de confiance. « Oh, Ponzati, que hai ? Tu me fais la tête des mauvais jours, il y a un problème ? Ben, j'ai cherché à vous téléphoner tout à l'heure, mais le portable ne passait pas. Tu sais bien qu'à Sosset, ça ne passe pas partout. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ponzati baissa les yeux et fit mine de gratter une tache par terre avec le bout de son soulier. « C'est votre ami, Anzi. Il est arrivé quelque chose. Un accident ? Non, il est mort. Il a reçu une balle dans le cou. » Caneparo devint tout blême et éprouva aussitôt une sensation bizarre. Il avait l'impression que son corps s'était partagé en deux, dans le sens vertical, et qu'il en avait perdu la moitié. Pris de vertige, il dut s'asseoir. Puis, un sentiment d'angoisse intolérable lui étreignit la gorge. Il finit par balbutier. « Mais comment c'est arrivé ? C'est pas possible, c'est pas lui !» Ponzati s'autorisa à lui poser une main sur l'épaule. Il se doutait bien que la nouvelle allait terrasser son patron. Mais Biagio se ressaisit très vite et se leva énergiquement. Il se mit à faire le tour de la table de cuisine. Il voulut savoir quand, où et comment ce drame s'était produit. « Comment l'as-tu su ? » ?»« C'est Nadine qui a appelé vers 5 heures. Je lui ai dit que vous n'étiez pas là et j'ai essayé de vous joindre. » Caneparo se rassit, les yeux en l'air, son regard semblant passer au-delà du plafond. Il se mit à murmurer « Merda !»« Ah, ça va être une drôle d'histoire maintenant !» Après avoir réfléchi un moment, il s'étonna qu'Anna ne lui a rien dit. Quand il l'avait vu, il était comme à son habitude, souriant et tendre. « Personne n'a prévenu Anna ? Je sais que tu ne peux pas la piffer, mais tout de même, tu aurais pu l'appeler. » Caneparo fit le numéro d'Anna et avec beaucoup de précautions, lui annonça la nouvelle. Ponzati perçut nettement les sangles de la femme dans l'écouteur tellement ils étaient violents. Caneparo enfila son blouson et remonta dans sa voiture pour se rendre chez Anzi. Dès qu'il fut parti, Ponzati s'effondra sur la table de la cuisine, la tête dans les mains. « Mamma mia » murmura-t-il, « porca miseria ». Vers 20 heures, Caneparo arriva chez Anzi Luti. Nadine, le visage décomposé, était vêtue d'un immense pull échancré en laine et d'un jean 3 fois trop grand pour elle. Il était rare de la voir dans un tel négligé. Néanmoins, pieds nus, les cheveux en bataille, elle était quand même magnifique dans sa robe de chagrin. Il y avait là déjà Berthier, le collaborateur fidèle et incontournable des débuts de l'entreprise, ainsi que Gaffaro, le frère d'Anna, qui avait toujours eu une tendresse particulière pour Anzi et n'avait jamais pardonné à sa sœur d'avoir divorcé. 10 minutes plus tard, Anna arriva, le visage gonflé de pleurs. Le court trajet lui avait suffi à se remémorer tous les moments heureux qu'elle avait passés avec Aldo, et elle ne voulait pas accepter sa disparition. « Où est-il ? » demanda-t-elle en cherchant Aldo du regard. « Ils l'ont emporté, » répondit Nadine. « Je crois qu'il est à l'hôpital, ils vont l'autopsier. » On sortit une bouteille de Knocando et le whisky embra bientôt les verres. Personne ne se décidait à entamer la conversation. En dehors du chagrin que chacun pouvait éprouver, leur préoccupation première à tous était le devenir de l'entreprise et de leur propre situation. Quelles dispositions avait prises Anzi en cas de disparition, si tant est qu'il en ait pris ? Personne, à part peut-être Caneparo, ne le savait. Anzi détenait 40% des parts à égalité avec Caneparo, tandis qu'Anna possédait les 20% restants. Elle pouvait ainsi jouer le rôle d'arbitre pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais elle n'en avait jamais eu l'occasion. Ce fut Berthier, le plus jeune et le plus préoccupé par son avenir, qui attaqua. « Qu'est-ce qui va se passer pour la direction de l'entreprise ?»« Ne t'inquiète pas, » lui répondit Caneparo. « Nous allons continuer à la faire tourner comme avant, et on y verra plus clair lorsque la succession sera ouverte. »« Mais toi ?» demanda Anna. « Anzi ne t'a jamais rien dit ?» « On peut te poser la même question, Anna ?» repartit Caneparo sèchement. Quant à Nadine, à part la place des carnets de chèques et le code des cartes bleues, elle ne savait rien, disait-elle. Est-ce que les comptes allaient être bloqués ? La deuxième interrogation qui les taraudait était de comprendre pour quelles raisons on avait tiré sur Anzi. Il ne pouvait imaginer qu'un acte gratuit pour expliquer ce meurtre. Et si c'était un fou qui divaguait dans le quartier? Il y avait du souci à se faire. Bien heureusement, aucun des présents n'était au courant du chien canardé. Sur le coup de 9 heures du soir, Pérez et Moussaoui sonnèrent au portail en s'excusant de leur tardive. Sans grande réaction, Nadine les fit pénétrer dans le salon et leur présenta l'assistance. Pérez remarqua tout de suite Biagio dont le physique le rappelait Volpi. « Encore un bel Italien, pensa-t-elle, mais un peu vieux pour moi. » Quoique, elle en revint aux civilités. « Excusez-nous de cette visite tardive, mais depuis le drame, nous avons été constamment occupés. Au démarrage d'une enquête, il faut perdre le moins de temps possible. » Pérez leur expliqua la situation et les mit au courant de la mort du chien, information qui ne manqua pas d'affoler l'assistance. « C'est peut-être un fou qui tire sur tout ce qui bouge, mais nous ne pouvons pas écarter la thèse de l'assassinat, » précisa le capitaine. « Mais qu'est-ce que ça change ? » s'exclama Anna. « Il y a quand même quelqu'un qui l'a assassiné, non ?» répondit Pérez. « Vous n'avez pas bien compris. Si c'est un malade qui tire partout, il s'agit d'un meurtre. Mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui avait intérêt à ce que M. Anzilutti disparaisse. Ce quelqu'un a donc prémédité le crime et dans ce cas, c'est un assassinat. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui pense que M. Anzilutti pourrait avoir été assassiné ?» Ils se regardèrent tous d'un air incrédule, en secouant la tête. Aucun d'entre eux ne put dire qu'il connaissait un ou des ennemis à Anzilutti, et Berthier tint à préciser que son patron mettait un point d'honneur à traiter les affaires de façon irréprochable. C'est d'ailleurs ce qui leur avait valu la bonne renommée de l'entreprise. Interrogé sur ce point, Canepparo précisa qu'Anzilutti n'avait jamais fait de politique et n'avait jamais financé aucun parti, même s'il était en très bon terme avec l'actuelle municipalité. À ce moment, Volpi fit son entrée dans la pièce, toujours à l'aise, comme à son habitude. Moussaoui remarqua que l'œil de Pérez venait de prendre un peu d'éclat. « Veuillez m'excuser, Madame Anzilutti, de vous avoir un peu négligé. J'ai plusieurs fers au feu en ce moment et je fais ce que je peux. » Après avoir serré les mains des présents, il s'adressa à Canepparo. « Vous n'avez jamais été victime d'un chantage de la part de la pègre? Vous n'avez jamais été rançonné, racketté? Il aurait fait Beauvoir, tiens, on ne se serait pas laissé faire. » Volpi savait très bien que beaucoup de grandes entreprises ou commerçants étaient racketés, mais personne ne voulait le reconnaître. On appelait ça des dons ou de la bienfaisance. Ça faisait partie de l'équilibre du commerce et de la paix sociale. Le commissaire décida de poursuivre sur un autre plan. Vous savez si M. Anzilutti avait pris des dispositions testamentaires? Sur ce point-là aussi, l'ignorance du groupe était totale. Volpi se fit expliquer la répartition des parts dans l'entreprise et se hasarda à émettre une hypothèse. « Quelles que soient les dispositions prises, l'un de vous deux, dit-il, en désignant Canepparo et Anna, peut devenir fortement majoritaire et, par exemple, faire vendre l'entreprise. Ça représente quand même un gros paquet. » Cette saillie causa immédiatement un gros malaise dans le groupe. « Vous insinuez que l'un de nous deux a buté Anzi pour récupérer ses parts ?» s'exclama Anna. « Mais c'est dégueulasse de dire ça. Mais non, ne vous énervez pas. Nous essayons simplement de chercher et je comprends parfaitement que vous vous offusquiez, madame. Mais dites-moi, commissaire, vous oubliez Nadine. En principe, c'est elle qui va récupérer les parts d'Anzi. » Tous les regards se tournèrent alors vers la seconde épouse d'Anzi. Même s'il était impensable qu'elle fût elle-même un assassin, elle avait très bien pu payer quelqu'un pour faire le coup. Qui sait si, avec ses airs de sainte Nitouche, elle ne cachait pas une âme de tueuse. Anzilutti avait une santé de fer et était en pleine forme. Pourquoi attendre indéfiniment qu'il crève alors qu'il était possible d'en finir tout de suite? Vous n'avez jamais eu de problème avec la concurrence? Continua Jijiga. Non, pas vraiment. Dans notre branche, il y en a guère, remarqua Berthier, sauf peut-être il y a un an avec Metallica. Vous vous souvenez, monsieur Canepparo? Oui, bof. Nous étions en compétition avec eux sur un projet de passerelle. C'est une entreprise de Lyon dirigée par un Espagnol au sang chaud, Santa Maria. Et alors? Ils étaient moins chers que nous, dit Canepparo. Anzilutti, au lieu de baisser notre prix, a fait reprendre le projet par notre bureau d'études. Nous avons retravaillé l'esthétique et renforcé la structure sans augmentation de prix. Le maître d'œuvre a été enthousiasmé et nous a confié la réalisation. Santa Maria était comme fou. Il nous accusait d'avoir faussé le marché et il a dit une fois à Anzi, « J'aurai ta peau, Anzilutti. Patience !» précisa Berthier. « Mais je suis sûr qu'il voulait parler de couler l'entreprise et non de descendre Anzi. » « Peu importe, reprit Volpi, donnez-nous tout de même les coordonnées de cette entreprise. » Puis, après avoir éclusé une gorgée de Knokando, nous vous préviendrons dès qu'on aura du nouveau. En attendant, je vous demande de rester tous à la disposition de la police. » Puis il boutonna sa veste, remit sa cravate en place et, montrant la porte comme un agent de la circulation, il annonça « Allez, les filles, on rentre, laissons ces messieurs-dames à leur chagrin. »